était une fois un petit bout de fer qui descendait par là. Ah là là, quelle galère. Il n'était pas à sa place, s'est perdu dans la tasse, mais est tombé quand même dans la gorge à poème. Notre petit bout de fer qui tombe dans cet enfer où tous les aliments se défendent vaillamment. Mais peut-être un peu trop, je crois qu'il se mélange. Franchement, ses condiments n'ont aucune décence. Ce petit bout de fer en voyage intérieur découvre les enfers de ce joli ailleurs. Ce petit bout de fer en voyage intérieur découvre le chemin suivi par d'autres d'ailleurs. Il continue sa route, même dans les intestins, rien ne le déroute. Mais alors qu'il voit là, je crois que ça bouchonne. Attention derrière toi, ah là là, ça cartonne. Le petit bout de fer est bien dans le pétrin, de devant, de derrière, il ne voit plus rien. Mais il se sent tomber dans l'eau tourbillonnante. Il est décontenancé. Ah, quelle vie trépidante. Ce petit bout de fer en voyage intérieur découvre les enfers de ce joli ailleurs. Ce petit bout de fer en voyage intérieur découvre le chemin suivi par d'autres. Mal accompagné et plus vraiment très beau, qu'il se laisse dériver dans l'enfer des tuyaux. Son voyage est fini et petit bout de fer s'en va vers l'infini. C'est la fin du calvaire.